Capitaine Vigatin. Tiens, Vigat, Vigatin. Tiens, Vigat, Vigatin. Tiens, Vigat, Vigatin. Diable s'invite. Quand tout d'un coup ça prend. Sacha. Yeah, we cool.